L'affiche du mois du documentaire au cinéma Le Clap. Le 25 mai à 19h, assistez à la projection de ce film soutenu en 2015 par une bourse de post-production pour projet de cinéma de première ovation. Une belle occasion de voir cette œuvre sur grand écran. Visitez lemoisdudoc.ca et premièreovation.com pour en apprendre plus. Ce soir, à l'aérospatiale, un tête-à-tête avec Jacinthe Carrier et un survol des événements et expositions à ne pas manquer cet été. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'aérospatiale, votre magazine radio sur les ondes de CKRL 89.1. Audrey Carrois en votre compagnie, et bonsoir, Gentiane de la France. Bonsoir, Audrey. Alors, c'est la dernière de la saison. Ben oui, le temps passe vite. Ah, vraiment, vraiment, et on se rappelle aussi toujours, à chaque année, comment il fait chaud dans ce studio en fin de saison, et qu'on est heureux de passer le flambeau pour l'été. Pour la saison estivale. Nous, on a un petit peu froid l'hiver, là, mais bon, mieux vaut mettre une petite laine que d'être pogné avec un petit fan là, ou quoi de même. Mais enfin, voilà, on a plein de choses à vous parler au cours de cette dernière émission, mais bien sûr, on va commencer par terminer notre série de quatre tête-à-tête avec des finalistes de la liste longue des prix Sobé, bien sûr. Et cette semaine, on va s'entretenir avec la photographe et vidéaste Jacinthe Carrier, qui est déjà avec nous en studio. Donc, on va parler, bien sûr, un peu de son travail. On va parler, comme d'habitude aussi, un peu de création à Québec et quelque peu aussi de ces prix qui seront remis, faut-il le dire, seulement qu'au mois d'octobre. Mais quand même, on va connaître la liste courte, donc les cinq finalistes par région, donc de ce prix qu'il faut le rappeler est pan-canadien, donc est canadien. Mm-hmm. Dans le fond, on a cinq finalistes pour cinq régions et c'est une bourse de 50 000 $ qui est en jeu quand même à gagner, mais les autres lauréats, à vrai dire, de la liste courte vont pouvoir se mériter tout de même une bourse de 10 000 $. C'est toujours bien apprécié, bien sûr. Et sinon, Gentiane, en deuxième émission, tu nous as préparé en deuxième partie, on va vous proposer des idées d'escapades artistiques à faire durant l'été, donc des belles occasions de faire des tours de voiture, de sortir un peu de la ville, de découvrir des événements, des lieux de diffusion en heure actuelle qui sont un peu à l'extérieur, là, mm-hmm. dans un périmètre autour de la ville de Québec. Et puis, en fin d'émission, on va vous faire part des événements, des expositions, on n'est pas manqué, avec un agenda bien rempli. Donc, on parle de la semaine, mais on va parler aussi de l'été, là, des différentes expositions à ne pas manquer à Québec au cours de l'été. Donc, on va revenir là-dessus en toute fin d'émission. Et faut quand même juste souligner aux gens, ayez votre carnet de notes. Oui. Les mêmes, mais en même temps, on pourra faire un petit suivi sur notre page web aussi. Ce sera une belle occasion. Oui, on va vous partager les différents événements, les différentes occasions également sur notre page Facebook. On va vous partager ça. Et puis, on va vous laisser pour une petite pause audio, donc avec la sélection toujours de Simon Roy cette semaine. C'est l'artiste June or July. Donc, on va écouter un extrait de An Observation Part 3 et on revient après la pause avec notre tête-à-tête avec Jacinthe Carrier. Alors, on débute cette émission en compagnie de Jacinthe Carrier. Bonsoir, Jacinthe. Allô. Alors, on va discuter ensemble un peu. On pourrait commencer en disant que tu es originaire de Lévis, donc grandi à Lévis. Et puis, tu as étudié à Montréal, par contre, à l'UQAM au baccalauréat, mais tu es allé aussi à Concordia. Et maintenant, de retour à Québec, co-directrice aussi chez Vue Photo. Et artiste toujours, mais on va le dire à nos auditeurs, bien sûr, tu fais à la fois de la photographie et de la vidéo. Pour toi, hein, c'est quelque chose qui va de pair ensemble, c'est des inséparables. Mais commençons peut-être un peu par le début. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton cheminement à dire, ben tiens, un petit matin, tu t'es levé, je veux être artiste? Ou comment ça s'est développé, tout ça, cet intérêt pour les arts? Je sais pas trop, c'est une drôle de question. C'était une intuition quand même très forte, je dirais. Au bout du secondaire, je suis partie un an en études aux États-Unis. À l'époque, j'étais très sportive, mais là-bas, j'ai découvert un peu plus ma créativité, une liberté là-dedans. Puis, je sais pas, je me rappelle du jour où j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit « je veux être artiste ». Puis c'était très clair pour moi que c'est ça que je voulais faire. Mm-hmm. Puis après ça, ça s'est juste enligné comme ça. Comme ça, là, oui, de fil en aiguille. De fil en aiguille, mm-hmm. sans trop savoir ce qui m'attendait, quel genre de pratique même je voulais faire. À l'époque, je faisais de la peinture, comme beaucoup de gens. Mm-hmm. Puis, c'était une intuition très forte que la création, c'est ce que j'avais le goût de faire de ma vie. Puis, j'ai suivi cette intuition-là. Puis je la suis encore, dans le fond. Ah oui, en tout cas, elle t'a mené quand même assez loin, il faut le dire. Et en même temps, peut-être décrire un petit peu aux gens ton travail aussi, parce que oui, c'est de la photo, c'est de la vidéo, mais bon, ça se concrétise autour de sujets, bien sûr, d'univers, si je peux dire, d'espace dans lequel tu vas, pas nécessairement toi-même t'implanter, hein, c'est ce qui est différent d'autres de nos invités qu'on a reçus, par exemple, comme avec Annie Maillard-Jean, fait de la photographie où elle est elle-même en performance, mais toi, tu vas regrouper des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas aussi. J'ai déjà vu des appels passer pour des participations à tes vidéos, donc, et tu rameutes, on peut dire, une communauté de gens pour les placer dans des lieux que tu pourrais peut-être nous décrire, hein? Mm-hmm. C'est assez intéressant. Ben donc, dans le fond, le travail il s'est amorcé vers une interrogation, une recherche autour du rapport entre le corps et le paysage. Mm-hmm. Donc, depuis 2008, là, j'ai vraiment une pratique qui s'intéresse à créer différents types de relations entre corps et paysage, mais plus particulièrement un type de paysage que j'appelle le paysage cicatrice. Mm-hmm. Donc, un paysage qui est très de notre époque, qui parle un peu des traces qu'on est venu laisser, des matériaux qu'on est venu prendre, donc que l'humain a marqué, et pourtant il l'a marqué non pas à l'échelle du corps, mais souvent à l'échelle de la machine. Oui, oui. C'est ce qui me fascine dans ces espaces-là, c'est que c'est des territoires qui tiennent le corps à distance, qui tiennent l'humain à distance, et pourtant c'est l'homme qui l'a dessiné, mm-hmm. comme ça. Et puis, le travail, c'est finalement, c'est de ramener le corps dans cet espace-là. C'est des espaces qui sont libres de tout, toute forme de code de vie parce qu'on n'y va pas finalement dans ces lieux-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on y va? Donc, au départ, c'est une pratique qui était plus de l'ordre du performatif. Donc, en 2008, c'est vraiment moi qui allais dans ces espaces-là, qui les habitais par une gestuelle, par des performances. Et puis, tranquillement, je me suis retirée de l'espace, puis je me suis mis à inviter des gens. Donc, la notion de communauté est devenue de plus en plus importante. Donc, j'avais envie de vraiment réfléchir à comment on habite des espaces et puis de créer différentes formes de mise en scène et de mise en situation dans ces territoires-là et de voir la relation qui se crée. Donc, ça devient des paysages ou des tableaux très surréalistes où il y a différents éléments, que ce soit des accessoires, des objets, des gestes, des gens. Donc, je m'intéresse à créer des tableaux vivants, si on veut, mais que j'active par la performance, par le temps, et à laquelle je donne des tâches ou des positions, et puis que je documente par la photographie et la vidéo. Oui, ben peut-être on pourra en parler de cette relation photographie-vidéo, parce que c'est présent chez plusieurs artistes, mais je voulais savoir, toi, comment ça s'inscrit? Tu dis, oui, que c'est des inséparables, mais tes photographies, ce ne sont pas des images qui sont tirées des vidéos. Parfois, oui, mais non. C'est-à-dire que comment le travail ne veut pas, il a évolué dans le temps. Là où j'en suis dans le processus, c'est que je crée vraiment des organismes indépendants, autonomes. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que, par exemple, je peux inviter une quinzaine de personnes à venir faire une série de gestes et d'actions dans un territoire qui est prescrit. Je leur donne chacun une tâche, je les habille, je les informe d'une certaine liste de règlements, si tu veux, de codes de vie de cet organisme-là. Et puis, la performance prend place pour une heure et demie. Et puis, on documente ça. Donc, il y a un directeur photo, puis il y a moi qui fais de la photographie aussi. Okay. Et puis, on tourne autour de cet organisme-là et on l'observe. Donc, ça devient la photographie et la vidéo des objets qui sont à la frontière d'un document, donc d'une trace performative, mais aussi d'un objet qui est plus près de la fiction, qui est plus près de la mise en scène ou qui est plus près d'un récit qui amène finalement la performance et le document un peu plus loin ou ailleurs, du moins dans un espace plus surréaliste. Donc, pour moi, le rapport entre ces deux médiums-là, c'est un intérêt vraiment pour la temporalité de chacun, puis de voir comment chacun de ces espaces temporels-là, qu'il soit un instant arrêté ou qu'il soit un fil dans le temps, qu'il soit une image mouvement, complète l'autre. Donc, par exemple, dans un projet que j'ai fait qui s'appelle Les œufs, on est dans une caméra vidéo qui est très, très près des corps, qui quasiment fait partie de la performance. On sent ce groupe-là de gens qui se touchent, qui font des actions très énigmatiques dans un paysage qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'a jamais cette distance-là avec la vidéo. Et puis, moi, j'ajoute dans l'exposition cette photographie qui démontre le paysage dans lequel tout a eu lieu, mais qui ne reste que la trace des pas dans le sable, qui est une immense sablière. C'est un exemple, entre autres, de comment chacun de ces images-là, l'image temps, l'image mouvement, peut se compléter puis créer finalement des pistes puis des fictions de ce que ça a pu être. Oui. Et puis les performances que ces gens-là, parce que c'est intéressant, tu nous dis, oui, je les habille, je leur donne quand même certains codes, des choses à faire, mais reste que malgré cette espèce de, si on peut dire, de cadre que tu donnes, il doit y avoir des images, beaucoup d'imprévus aussi au travers de ça, puis des images qui doivent être extrêmement, si je peux dire... intéressante pour l'artiste, c'est de dire comme « wow, tu sais, j'aurais jamais pu m'imaginer que ça aurait donné ça, justement. » Il doit y avoir quelques perles aussi qui sortent de tout ça. Ben, dans le fond, ça devient un peu l'issue, ou du moins, c'est là où j'en suis arrivée dans ma recherche. Au départ, je travaillais la mise en scène, un peu dans la tradition de la mise en scène photographique, où tout est placé, réfléchi en amont. Je faisais des dessins, je faisais des croquis. Et puis là, j'arrivais avec mes gens, avec ma situation, je la plaçais puis je prenais la photo. Donc, on était plus dans un rapport tableau pictural, très arrêté. Puis, tranquillement, quand je me suis mis à m'intéresser aux gestes puis à l'action, je me suis mis aussi à m'intéresser à observer l'humain, voir comment chaque individu va interpréter une tâche. Des fois, c'est la même tâche que je donne, comme par exemple courir en rond pendant une heure et demie. Chaque personne avait la même tâche, mais chaque personne l'a interprétée, l'a exprimée d'une façon. Puis c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment dans quelque chose de très simple, puis qui semble être répétitif, il y a quelque chose de très unique qui en ressort. Puis le fait que je travaille autant avec des des acteurs, des danseurs, des performeurs, que des gens de ma famille, que des gens qui ont aucun rapport avec la performativité ou l'art de du vivant. Je m'intéresse à voir justement ces différentes qualités de gestes-là, ces différentes qualités de présence-là. Puis c'est ce qui m'intéresse dans l'idée. Puis c'est comme ça que je suis arrivée à ce processus-là, en laissant aller les gens. Mm-hmm. Je me suis rendue compte qu'ils me donnaient quelque chose que j'aurais jamais pu anticiper. Puis souvent dans le montage, parce que comme je fais pas la direction photo, moi je fais mon propre montage après, puis c'est là où je reprends un peu le contrôle du travail, puis je reprends un peu le dessin. Je choisis souvent des images que j'arrive même pas à comprendre. Il y a une énigme dans ce geste-là, dans cette présence-là, qui pourtant c'est moi qui ai déterminé chacun des éléments qui se retrouvent dans l'image, oui. Mais il y a quelque chose qui m'échappe encore. Puis c'est cette énigme-là ou ce mystère-là qui est très fort, puis qui fait que je pourrais revoir ce geste-là 100 fois, qui fait que je le choisis, mm-hmm. que je le garde. C'est ce qui m'échappe de pourtant tout ce que j'ai construit, conçu. T'sais. Puis ça, c'est la part de cette personne-là que j'invite. Oui. Puis il y a des perles, puis il y a aussi plein de moments que j'accepte pas, puis que je refuse de cet aléatoire-là que certains diront parce qu'ils disent « Tu les laisses complètement aller, dans le fond. Mm-hmm. » Mais dans tout ça, il y a une part qui fait vraiment la richesse du travail, dans le fond. Oui. Puis il y a tout le reste. Donc, sur une heure et demie de tournage, il reste 8 minutes. Donc, dans toute cette heure et demie-là, il y a énormément de choses que je voulais pas voir puis que j'ai pas gardées, mais il y a cette part-là de présence. Oui, c'est ça. Tu as été chercher les moments les plus forts, les plus énigmatiques, qui parlent justement, qui viennent nous chercher. Et puis, moi, ce qui m'a toujours fascinée aussi, c'est que dans ces créations-là où nombre de personnes sont impliquées, c'est de voir aussi la non-expressivité, l'attitude un peu neutre aussi de ça. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu demandes ça aux gens qui participent? Ben c'est vraiment une directive. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, comme je travaille avec des gens qui ont toutes sortes de parcours aussi, je leur demande souvent de trouver leur point neutre. Mm-hmm. Au départ, quand j'ai commencé les mises en scène, comme scènes de genre ou des mises en scène plus tableaux, plus photographiques, c'était vraiment l'idée de voir le corps un peu comme un objet, finalement. Un espace neutre sur lequel je pouvais projeter des choses. C'est aussi une façon de... On n'est pas dans l'expression ou dans la théâtralité ou dans la volonté de dire ou d'exprimer une émotion. Et pourtant, je pense que dans le travail, il y a quand même une certaine charge émotive qui est là par le geste, par les autres éléments que je tente de mettre en place. Mm-hmm. Donc, j'ai envie que le corps parle plus que l'intention de la personne qui est là. Donc, cette idée-là de neutralité, c'est pour sortir de l'idée d'une intention d'expression ou d'une émotion, puis de juste parler de la présence. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que c'est ce qui ressort beaucoup aussi de ça, c'est qu'on pose notre attention non pas sur, si je peux dire, pas le visage, mais l'expressivité des gens, mais sur les gestes qu'ils vont faire. On pourrait même peut-être penser vite comme ça qu'on parle que c'est pas déshumanisant, mais que ça enlève une partie. Mais non, au contraire, notre attention est dirigée vers autre chose. Et puis, oui, il y a comme une sensibilité, je pense, qui émane aussi par la répétition de ce geste-là, par le travail aussi, parce qu'il faut le dire aux gens, là, les participants, c'est intense là, comme action. Là. C'est pas, tu sais, oui, tu parlais de courir, mais tu sais, en même temps, là, on le sait pas, nous, quand on visionne ça, que ça fait peut-être une heure et quart que la personne court en rond ou frappe une pierre sur un mur de roche ou, enfin, puis on le voit, on le sent, les gens sont, en guillemets, sont sales, tu sais. Souvent, là, ça, on sent qu'il y a une tâche. On sent la fatigue aussi. Oui. Donc, c'est des performances qui sont longues, donc on sent que le geste n'est pas le même si c'est une répétition. On sent que le geste se fatigue un peu parce que ça devient un peu lassant de faire le même geste à répétition. Mais quand même, il y a une sensibilité, moi, je trouve, qui émane de tout ça. Puis, enfin, je trouve pas ça anodin là, sur le coup, là, mais il faut porter attention. Mais au fil de la vidéo, moi, je trouve que c'est quelque chose qui ressort qu'on ressent beaucoup. Ben, c'est un processus, en fait, auquel je suis arrivée quand j'ai commencé à faire de la vidéo. Mm-hmm. Finalement, au début, je me disais, justement parce que je travaillais avec des gens qui avaient pas une grande conscience de, mettons, c'est des gens amateurs ou des non-performeurs, mais il y avait des performeurs aussi. Puis je me disais, comment faire pour que la personne soit pas dans une conscience de représentation? Parce que quand on se fait filmer, on a une espèce d'intention qu'on tente de projeter, quelque chose qu'on veut dire par notre présence. Puis que j'ai réfléchi à comment je peux éviter ça. Je veux voir comme quelque, je veux voir la part du personnage dans la personne, mais pas celle qu'elle va contrôler, celle qui est là naturellement, qu'on voit, on voit des gens dans la rue des fois, on se dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui ressort de ça. Puis j'essaie de trouver, de capter ça. Puis c'est dans le geste, je me dis, mais au bout d'une heure et demie, à rouler une balle de laine, à un moment donné, tu n'auras plus ta conscience du geste. Puis ça va devenir une forme de mantra, ça va devenir une forme d'acte répétitif. Puis c'est à ce moment-là, dans la répétition, qu'il y a quelque chose qui émane, qu'il y a une présence, puis que tout d'un coup, le participant performeur devient personnage, devient cette énigme-là ou cette espèce de il incarne quelque chose. Dans un premier temps, il y a cette idée-là, mais il y a aussi l'idée que le corps devient un outil d'arpenter le territoire. Donc, sa relation au territoire devient très physique, devient très sentie, puis tout le rapport au labeur, justement, puis à la construction du territoire, parce que, comme je le disais au départ, c'est des paysages qui ont été composés, qui ont été construits. Puis j'essaie de ramener à l'échelle du corps. Puis, il y a cette tentative du corps de s'inscrire dans le paysage. Puis, il y a le côté vain de ça aussi, parce que finalement, la nature ou le territoire va toujours reprendre sa place à l'échelle du geste puis de l'action. Oui, puis si justement on parle de ces territoires que tu explores, c'est fascinant parce que quand on regarde, on reconnaît un peu des fois le lieu où ça c'est familier, mais de la façon qui nous est présentée avec les gestes qui viennent réhabiter ou nous donner une autre compréhension de ce lieu-là, c'est un paysage qui devient tout à fait mystérieux, étrange, énigmatique, en fait, quand on le regarde. Je trouve ça fascinant. Puis il faut le dire, tu as travaillé quoi dans une sablière, un dépôt à neige, au bord de l'eau, je pense, aussi, des pylônes également, mais... En fait, c'est intéressant de voir ces lieux-là, comme tu dis, qui sont abandonnés, mais réinvestis, mais pas sous une forme peut-être à laquelle on pourrait s'attendre aussi. Il y a ça quand même qui émane, j'imagine. Il y a beaucoup de poésie aussi, il faut le dire, qui ressort de tout ça. Puis je pense que c'est une des intentions derrière aussi ton travail. Effectivement, là, c'est justement comme ces lieux-là sont inhabités et sont régis par aucun code de vie. Pour moi, c'est une occasion d'aller habiter de façon poétique et de voir les autres façons finalement qu'on peut être dans le monde et habiter nos espaces, puis d'être créatif, puis d'être aussi, de repenser nos façons d'être ensemble, puis d'être en relation avec le territoire, puis nos espaces. Donc, pour moi, la poésie, c'est une occasion pour ça. Et puis, de mettre des choses qui vont pas nécessairement ensemble, puis de générer des sensations, puis de générer... comme une autre exploration de l'espace, autant que ce soit celui du lieu que celui de l'autre, que de celui même de juste le geste puis la présence. Oui, oui. Et puis, il y a quelque chose du... Tu l'as un peu évoqué, tu as parlé de mantra, mais il y a quelque chose du rituel aussi, beaucoup dans ton travail, par la répétition, mais on sent que, justement, cette concentration-là aux tâches que tu donnes à faire, aux actions que tu donnes à faire aux gens, il y a vraiment un rituel, on dirait, qui émane, puis autant dans le particulier, quand on est fixé sur une personne, que dans le collectif aussi. Et pourquoi le rituel, au juste, dans ton travail? Qu'est-ce qui te fascine avec ça? Ben, pour moi, c'est un espace de transformation, en fait. C'est vraiment un espace où, justement, l'individu normal, entre guillemets, cette espèce de ce nous-là qui connaissent les codes de vie, comment on agit, comment on bouge, comment on est comme assez régi par des façons de faire. Puis l'idée du rituel, c'est l'idée de créer finalement un lien collectif pour cette communauté éphémère-là. Parce que c'est une communauté qui va exister le temps d'une heure et demie, des fois plus, mais il y a quelque chose de très éphémère, mais quelque chose de très, très fort qui se passe aussi. Puis, finalement, par le geste répété, par cette idée-là de créer un rituel, de créer un autre langage commun, ça leur permet de se sentir tous bien ensemble. Puis, finalement, chacun partage un peu l'absurdité du geste, parce que oui, on est dans le rituel, on a quelque chose de très chargé, de très fort au niveau symbolique, mais en même temps quelque chose d'un peu absurde dans ce qu'ils font aussi parfois, parce que il y a aucune ça produit rien, il n'y a rien qui va en rester. Ce qui va en rester, c'est cet acte collectif-là de croire le geste artistique un peu commun, mm-hmm. dans lequel chacun va s'investir. Ils vont partager ce langage-là, l'histoire d'une heure et demie, mais il va rester cette force-là du groupe, puis cette présence-là qui est très forte. Puis moi, c'est ce qui me fascine aussi, parce que reste qu'autant de gens acceptent de venir souffrir, parce que souvent, c'est quasi souffrant, mm-hmm. pour le geste artistique, pour prendre part à un moment de poésie collectif. C'est quand même, pour moi, très fort. C'est pas toujours très présent dans le travail, dans les salles d'exposition, mais pour moi, dans mon processus, c'est très important. Et puis, justement, cette idée-là d'un geste ritualisé, puis cette idée-là où il partage un langage qui est autre que celui qu'on connaît normalement, si on veut, dans nos codes sociaux. Puis aussi, il faut dire que le rituel, aujourd'hui, n'est pas... Enfin, on a comme l'impression que par le passé, le rituel était mm-hmm. plus présent. Mm. Aujourd'hui, il se manifeste encore, mais sous d'autres formes, mais que non pas de façon peut-être moins collective, tu sais, autre que dans partager. Les festivals, de partage, mm-hmm. effectivement, oui. Exact. Donc ça, c'est ce que je trouve très, très pertinent, puis mm-hmm. qui transparaît aussi mm-hmm. au travers de ton travail. Ben, il y a cette idée-là, c'est sûr, depuis toujours, de la quête de sens, là, qui est comme mm-hmm. un mot-clé fort dans mon travail, puis que j'interroge beaucoup justement sur le comment être ensemble, comment habiter, comment partager. Puis c'est sûr que je pense que les rituels aujourd'hui, c'est des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'individuel. Je pense que chacun, on trouve une façon d'assouvir ce besoin-là de rituels qui sont peut-être plus intimes, qui sont peut-être plus personnels, mm-hmm. qui sont moins religieux, mais je pense qu'il se doit d'avoir des espaces aussi où on partage collectivement des espaces de rituels. Puis pour moi, ben, c'est comme une occasion de saisir ça, puis une liberté aussi de se réinventer finalement là-dedans. Oui. Il nous reste que quelques minutes, le temps file, je vois jamais le temps passer, on dirait. Mais je voulais quand même te questionner peut-être si on sort un peu de ta pratique pour souligner quand même que c'est ta deuxième nomination à la liste longue des prix Sobé. La première était en 2013. Est-ce que je pose souvent la question, mais est-ce que ça représente quelque chose pour toi le fait d'avoir été si on peut dire remarqué comme ça par un jury qui a vu ton travail et qui l'a jugé important, j'imagine. Est-ce que ça, le fait d'être nominé, ça amène quelque chose pour toi ou c'est juste comme « yeah » Ben, c'est sûr que ça représente quelque chose. C'est, ça fait « yeah mm-hmm. ». C'est fun. Je pense que c'est bien de recevoir ce message-là. Il y a des gens qui appuient le travail, qui disent mm-hmm. « ben c'est un travail qui a sa place puis qui se doit d'être reconnu au Canada. Dans le fond, c'est un peu ça. Là. Oui. On se dit, bon, ben tiens, on met ton nom sur la liste des pratiques au pays en bas de 40 ans. T'sais. C'est puis, ça. C'est sûr que pour un artiste, c'est un appui, c'est une tape dans le dos. Ça dit, ben écoute, continue. C'est toujours... je pense qu'il ne faut pas dépendre de ça parce que à quelque part, ça ne tient pas à ça. Non, parce que je pense qu'il y aurait bien des déçus. Exact, là. C'est oui. ça. Mais je parle de ça, puis ça inclut tous les prix, reconnaissance, c'est bon. Mais mm-hmm. quand il y en a, c'est sûr que ça fait une différence, si ce n'est que pour sentir que tu as de l'appui dans ce que tu fais. Mm-hmm. Puis c'est important aussi qu'il y en ait pour souligner le travail qui est fait. Oui. Eh bien, je pense malheureusement, c'est plate. J'avais d'autres questions que je voulais te parler, mais c'est déjà tout le temps qu'on avait. Mais en tout cas, on va te souhaiter vraiment la meilleure des chances pour ce prix, en tout cas pour cette deuxième nomination. Mais il faut quand même le dire, hein, je l'avais souligné dans des éditions précédentes, mais vous êtes très peu à Québec à avoir été nominé, donc c'est quand même très plaisant que tu aies pu être une seconde fois retenu parce qu'il y avait eu BGL puis Yannick Pouliot qui avait été retenu dans d'autres éditions précédentes, mais quand même c'est le fun, puis on est heureux aussi de voir que la pratique artistique, je pense que c'est ça que ça révèle aussi, que la pratique artistique de Québec est vraiment florissante, puis a du contenu, a quelque chose de vraiment très très pertinent, puis qui est reconnu aussi sur le plan canadien, parce que souvent Québec, on associe Montréal, on pense tout de suite à Montréal, mais je pense qu'il y a un bassin d'artistes professionnels ici à Québec vraiment fort intéressant, puis c'est ce que, en tout cas, cette édition nous montre, je pense, cette année ici. Et ben voilà, on va clore là-dessus. Je remercie beaucoup Jacinthe Carrier d'avoir été parmi nous. Et on rappelle, en fond, c'est au mois de juin qu'on va connaître donc les cinq finalistes, la liste courte, et en octobre, on reviendra à la saison prochaine justement avec le grand gagnant de tout ça. On fera un suivi et on s'en va pour une courte pause publicitaire. On vous revient de l'autre côté pour la deuxième moitié d'émission. C'est KRL. L'Orchestre symphonique de Québec clôture sa saison de façon grandiose avec une œuvre somptueuse qui réunira sur la scène du Grand Théâtre de Québec plus de 100 musiciens. Au programme, le MNBAC illustre la Symphonie alpestre, une œuvre de Richard Strauss illustrée par des toiles de maîtres du 19e siècle. Fabien Gabel, les musiciens de l'orchestre et le Musée national des beaux-arts vous donnent rendez-vous le 24 mai à 20h et le lendemain en matinée à 10h30. Ce concert est présenté par Simons. Tous les détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Les finissants en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval présentent l'exposition collective « Entre-temps, les choses se pensent » du 18 au 28 mai 2017. Lors du vernissage du 18 mai, aura lieu le lancement du 7e catalogue de Première Ovation arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art. C'est un rendez-vous dès 17h au 281 rue Saint-Vallier-Est. Visitez manifdart.org et premièreovation.com pour en apprendre plus. On poursuit cette dernière émission de l'aérospatiale pour la saison 2016-2017. Vous êtes toujours en compagnie de Audrey Caro et Jean-Tiane Lafrance sur les ondes de CKRL. Alors, Jean-Tiane, la prochaine demi-heure, si on peut dire, on va jaser ensemble d'événements. Tu as fait un petit tour pour nous de ce qui se passait, si on peut dire, dans les une heure et demie autour de Québec. Oui, c'est ça, dans la couronne élargie de Québec. L'été, on aime faire des petites escapades, des petites fins de semaine à l'extérieur de la ville. On aime faire du camping, on aime aller dans des bed and breakfast, mais pourquoi pas aussi aller voir de l'art actuel à l'extérieur de la ville. Donc, j'ai fait une petite sélection là, de différents événements, de différents lieux de diffusion en art actuel. Donc, j'ai fait un bloc Rive-Nord et un bloc Rive-Sud. Super! Mais encore, un incontournable, tu voulais commencer? Oui, c'est ça. En fait, si on parle de la région de la capitale nationale à l'extérieur de Québec, qu'est-ce qui se passe en heure actuelle l'été? Il y a évidemment le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui est un incontournable à chaque année. Donc, c'est la 35e édition cette année. Ah, quand même! Et puis c'est Marie Perrault toujours, c'est son dernier. Faut dire que c'est d'habitude un mandat, mandat de 3 ans pour les commissaires, et c'est son dernier cette année à Marie Perrault. Mais je dois dire quand même, c'était sous le thème de la mobilité là qu'elle nous avait présenté là à chaque année. Mais quand même, moi, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié les deux derniers symposiums. Honnêtement, là, on y fait de belles rencontres. Peut-être juste décrire aux gens que c'est pas un symposium comme les autres, là. C'est vraiment, on est dans la création et la rencontre. Oui, c'est ça. Donc, les artistes sont là. Ils ont toute la période de temps, c'est un mois, pour produire des œuvres devant public. Et puis, on se promène, on peut rencontrer les artistes, on peut les regarder travailler, on peut les déranger pendant qu'ils travaillent. Oui. cette année, le thème, c'est « Passer au présent ». Donc c'est une édition qui veut réfléchir un peu à au regard artistique sur l'histoire, si on veut, hein. Donc quand on parle du passé au présent, c'est la réactualisation d'éléments du passé dans le présent. Donc on parle évidemment d'art actuel toujours, et puis il y a une douzaine d'artistes qui ont été sélectionnés. Déjà, je peux vous en faire la liste là, et puis on peut peut-être se pencher sur quelques artistes là parmi mieux. Il va y avoir cette année Magali Baribeau-Marchand et Sarah Letourneau, donc qui vont produire en duo. Charles-Étienne Brochu, Cabinet de fumisterie appliquée, Karine Locatelli, Mitch Michel, Dong Yun Nam, Élise R. Peterson, Catherine Plaisance, la famille Plouf, Jean-Charles Rémillard-Marie, Rémi Cours, Stéphanie Requin-Tremblay et Laura Saint-Pierre. Quelques artistes de Québec. On peut peut-être commencer par exemple par Charles-Étienne Brochu, qui est un artiste de Québec dont on connaît quand même bien la pratique. Oui, un jeune artiste, mais qui est vraiment une carrière très prolifique là actuellement, là, depuis les dernières années. Hein. Donc avec un imaginaire très coloré et déluré et glauque à la fois. Donc on s'amuse à voir ses œuvres qui sont souvent au prime abord très joyeuses, avec des couleurs vives. Et puis après, on s'approche et on tombe sur des scènes un peu plus inquiétantes. Il fait dans la peinture, également dans l'animation. Il va y avoir également Catherine Plaisance, qui n'est plus à Québec, je crois. Là, tu me poses une bonne question. Il faudrait que je m'informe là-dessus, mais qui a été à Québec pendant un petit bout. Elle va également être là. Et puis, il y a Jean-Charles Rémicourt-Marie, qui est un artiste de France, mais qui a fait une résidence à l'œil de poisson. Là, donc, on a eu l'occasion de le rencontrer là, lorsqu'il a fait... C'était la résidence des... Les pépinières européennes. Oui. Donc, il y avait eu une rencontre, d'ailleurs, avec lui. Donc, c'est intéressant parce que je sais que Marie Perrault fait vraiment le tour. Elle prend la peine de faire le tour des centres d'artistes un peu partout au Québec pour aller voir aussi qu'est-ce qui se fait et tout. Alors, mais en même temps, on y trouve pas que des artistes d'ici, mais il y a des artistes, on le dit, c'est un symposium international, donc ça permet aussi de faire des belles découvertes. Donc, pour continuer, Rive-Nord, un autre événement international, c'est la Biennale internationale du lin de Portneuf cette année, qui en est à sa 7e édition. C'est une biennale qui rassemble des artistes qui intègrent certains aspects des arts textiles dans leur pratique. Donc, on va passer au fil, au tissu, mais aussi au papier. Et c'est étonnant parce que le thème cette année, c'est passé inaperçu. Donc, on a l'abbé Saint-Paul, c'est passé au présent. Ici, on est au passé inaperçu. Alors, on se penche sur les éléments du quotidien qui relèvent de l'anodin, du discret, qui passerait autrement inaperçu. Cet événement-là, la Biennale internationale du lin de Portneuf, a des lieux de diffusion très particuliers. C'est des lieux patrimoniaux. C'est des lieux qui datent des espaces qui datent du 19e siècle. Donc, on peut parler, par exemple, du moulin de la Chevretière, qui est un des derniers moulins à eau du Québec, qui date du début du 19e siècle. Le vieux presbytère de Deschambault, qui date de 1816, donc une architecture d'inspiration française. Donc, c'est toujours très intéressant d'aller visiter ces œuvres-là qui sont dans des... donc, on a un beau contraste qui se fait entre des propositions qui sont très actuelles, parce que c'est pas parce qu'on parle d'inspiration du tissu que c'est pas des propositions qui sont actuelles, et des lieux donc de pierre, donc qu'on s'en charge d'histoire. Donc cette année, il y a 19 artistes. Donc pour y aller rapidement, il va y avoir Amélie Proulx, André Dubois, Barbara Todd, Bozica Radjinovic, Cécile Dachary, Christine Mauersberger, Colette Balcaen, Héloïse Plamondon-Pagé, qu'on a reçue plusieurs fois ici à l'émission. Oui, oui. Emma Nishimura, Oinis Artura et Elia Alouye. Pardon, ça, c'est deux portugaises. C'est ça, oui, pour en mentionner quelques-uns là, donc, ici, mais toute la liste, je pense, est déjà disponible sur le site web. Donc, qui sont deux portugaises qui font l'objet d'un échange avec un autre événement du genre au Portugal. Donc, c'est la première fois que la Biennale fait, fait ce type d'échange-là. On va revenir après la pause avec des escapades qui vont plus sur la rive sud de Québec. Donc, pour vous rappeler que la Biennale du lin de Portneuf va être du 17 juin au 1er octobre. Il va y avoir une conférence de presse cette semaine, donc le 21 mai, au Musée de la Civilisation pour en connaître tous les détails. Et le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est du 28 juillet au 27 août 2017. Sur cette belle petite musique rapide. Donc, c'est très estival comme petite musique proposée par Simon Roy. Donc, si on se déplace sur la rive sud de Québec au cours de l'été, un événement qu'on vous suggère, c'est Truck Stop. Oui, un événement qui marie L'Œil de Poisson et Clark à Montréal, donc un organisme de Québec et de Montréal qui s'associe pour un parcours d'art éphémère, et ce sur un lien autoroutier mythique. Oui, c'est ça, sur la 20, donc qui, comme tu le dis, est vraiment marqué par une certaine culture pop au Québec. On pense par exemple au film Québec-Montréal, le fameux Madrid qui est très présent aussi dans la culture populaire. Donc on a tout un un imaginaire qui réside sur cette autoroute-là. Donc, c'est une quinzaine de propositions artistiques inédites qui vont être installées dans différents lieux. La conférence de presse va avoir lieu demain pour savoir les noms des artistes. Mais déjà, on peut vous dire là, dans quel type de lieu vont être installées ces œuvres-là. Donc, il va y avoir évidemment des haltes routières tout au long de l'autoroute. Donc, ils vont être des lieux où il va y avoir des expositions d'œuvres d'art, des œuvres d'art publiques aussi, évidemment. Il va y avoir les panneaux publicitaires à surveiller, bien sûr. Oui, puis il va falloir ouvrir l'œil, hein, parce que moi, je dois dire... Je le sais déjà, certains de ces projets-là, fait qu'il va falloir être attentif à ces panneaux publicitaires. Et puis, on va prendre plusieurs fois la 20 cet été, peut-être. Mm-hmm. Donc, on risque d'en manquer. Et puis, il va y avoir aussi une œuvre d'art audio, donc présentée en balado-diffusion. Donc, une artiste de Québec qui va avoir une balado-diffusion disponible sur le site Internet qu'on va pouvoir écouter tout au long du parcours. À Sainte-Eulalie, à environ mi-chemin, il va y avoir une œuvre sur un silo. Donc, on ne sait pas encore, mais on devine une projection. Il va y avoir également une œuvre chez un antiquaire. Donc, on est vraiment dans deux éléments très typiques du paysage de Lavin. Donc, les fermes, les antiquaires. Donc, on les voit, ces antiquaires, avec des grosses lettres peintes à même le bâtiment en bord de route. Il va y avoir également deux performances d'un collectif d'artistes multidisciplinaires qui vont être proposés dans un hôtel de bord de route à Notre-Dame-du-Bon-Secours. Donc, ça va être le 28 juillet. Et puis, pour la fermeture de l'événement, il va y avoir une œuvre qui va être présentée à l'ancien cinéparc de Drummondville. Donc, c'est vraiment des espèces de lieux de culture populaire qui sont investis. Et il y a également un porte-parole pour l'événement Truck Stop. C'est MC Gilles. Ah oui, bien connu des radios étudiantes, communautaires et bien sûr de la télé. C'est ça. Donc, une figure qui est très connu de la scène télévisuelle. On le reconnaît pour son humour, mais aussi pour son intérêt marqué pour la culture populaire québécoise. Donc, on sent vraiment un peu le ton qui est donné à l'événement. Donc, si on reste sur la rive sud, il va y avoir également à Regard... cet été, l'exposition collective, donc qui clôt ce cycle des expositions collectives de la programmation 2016-2017. Il va y avoir quatre artistes, Élise Provencher, Anna Hawkins, Colin Johansson et Hugo Bergeron. Donc, on devine une exposition qui est très baroque, exubérante, colorée. Élise Provencher qui est dans la sculpture, céramique, assemblage, plâtre, avec des personnages qui vont à la fois référer à la sculpture classique, mais aussi qui vont aller du côté monstrueux, inquiétant. Mm-hmm. Anna Hawkin fait des découpages de fragments de divers vidéos qu'elle assemble dans des vidéos assez étranges et où elle détourne vraiment le contenu des vidéos d'origine. Colin Johansson qui fait de la peinture abstraite qui va rappeler l'expressionnisme abstrait. On est vraiment dans un art très gestuel. Et Hugo Bergeron, peinture abstraite également, mais beaucoup plus plastique, géométrique. Donc, on va être dans la couleur, dans l'exubérance. Ce qui va bien marquer l'été aussi, quand même. Nous réénergiser, bien sûr. ça va être à voir du 7 juillet au 27 août à Regard. Et pour rester sur la rive sud, on peut aller aussi faire un tour du côté de Est-Nord-Est. C'est un centre à Saint-Jean-Port-Joli. C'est pas un centre où il y a de la diffusion des expositions en tant que telle. C'est un centre d'artistes en résidence. Il y a trois cohortes par année, donc une au printemps, une à l'été, une à l'automne. Mais à chaque résidence, au début de la résidence, il y a une présentation publique dans laquelle les artistes peuvent présenter leur démarche et leur pratique. Et à la toute fin de chacune des résidences, il y a des portes ouvertes. Donc, c'est une soirée où il y a parfois un feu à l'extérieur. C'est très convivial, c'est très intéressant. Et là, on fait le tour de tous les ateliers des artistes pour découvrir un peu tout ce qu'ils ont produit durant la résidence. Donc, la résidence du printemps va se terminer au 23 juin. Donc, souvent, c'est annoncé là, dans la semaine avant la fin pour pouvoir aller voir ce qui se passe du côté d'Est-Nord-Est. Et cette année, il y a Camille Bernard-Gravel qui va participer à cette résidence-là. Donc, une artiste de Québec. Québec. De Québec, qu'on connaît bien là, pour ses œuvres cinétiques, sa sensibilité aux éléments naturels. Oui. Donc les œuvres très poétiques très... aussi, oui. qui surprennent énormément oui. par la simplicité du résultat, mais la grande complexité du mécanisme qui se trouve derrière. Oui, donc on devine qu'elle va être peut-être influencée par le fleuve, cet espace-là qui est tout près à Saint-Jean-Port-Joly. On peut imaginer que ça va être... On extrapole. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des artistes, mais aussi toujours un ou une commissaire également aussi qui est là, auteur, commissaire. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir faire le pont entre ces deux éléments du milieu artistique aussi. Hein. Oui, et puis les commissaires en résidence sont également invités. Là, ben, ça n'arrive pas toujours. Ça dépend du temps qu'ils ont à consacrer. Ces personnes-là sont également invitées à écrire sur le travail des artistes qui sont en résidence. Souvent, la façon dont j'ai entendu parler de ces résidences-là, il y a un côté familial qui se crée un peu parce que les artistes habitent tous dans la même maison. Donc, il y a vraiment une espèce de petite communauté là, c'est ça, oui. qui se crée à chacune des résidences. Donc, une activité à faire du côté de Saint-Jean-Port-Joly. C'est pas très loin, c'est à 1h30 peut-être, oui, une heure et quart de Québec. Ça, en même temps, ça permet de voir peut-être autre chose que de la sculpture sur bois, mais on peut faire les deux aussi, aller voir le côté plus actuel et traditionnel en même temps. Mais en même temps, on peut être surpris, là, je dis ça, puis j'ai l'air de prendre mes grands airs, mais non, au contraire, on peut être très surpris sur ce qui se fait aussi en matière de sculpture sur bois à Saint-Jean-Port-Joly. Ah oui, oui, oui. Vraiment. On est plus seulement dans le traditionnel, il y a quand même beaucoup de... Oui. Super. Fait qu'on va faire une pause audio pour vous revenir avec ce qui est à pas manquer dans les prochains temps, cette semaine et dans l'été à Québec actuellement. Donc, on s'en va toujours écouter Journal July. Et cette fois-ci, c'est l'extrait The Attack. Jean-Tiane, on va terminer cette émission avec, bien sûr, les événements à ne pas manquer cette semaine, mais aussi cet été à Québec, comme on le disait. Donc, je te laisse y aller pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? Donc, dès demain, là, demain, il y a BGL de Fantasy. Donc, projection avant-première de ce documentaire-là. Ça va être à 19h au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Évidemment, le collectif bien connu de Québec va être présent, mais également le réalisateur Benjamin Hog. Les billets sont au coût de 10$ et il va être présenté aussi au cinéma Cartier à partir du 26 mai. Puis tu avais quelque chose à dire sur cet événement-là. Ben c'est ça. Donc si c'est plus en avant-première demain au musée et on peut le rattraper là après ça. Ce qui est quand même plaisant aussi là parce que c'est pas des documentaires qu'on a toujours l'occasion de voir. Puis en plus c'est des artistes chouchous de Québec quand même. Et il faut dire restez à l'écoute parce que je sais que notre ami Pierre Blais par la suite va en glisser un mot à son émission. Hâte de voir là sur quoi il va s'enligner, mais quand même il y a ça. Et je te laisse pour la suite. Donc on va l'écouter après l'émission, Pierre qui va discuter de ce documentaire à Esprit Critique. Jeudi... Situation Critique. Situation Critique, pardon. jeudi, du côté de Regard, Centre d'artistes en art actuel, c'est l'Encan, édition 2017, ce fameux Encan où Regard lève des fonds pour pouvoir continuer à fonctionner comme, comme tout bon centre d'artistes. Donc, la soirée va débuter dès 17h et les enchères vont commencer à 19h. Le centre annoncé aujourd'hui sur Facebook la liste complète des artistes qui ont participé. Donc, le principe, c'est que des artistes sont invités à produire une œuvre d'art avec une boîte de conserve qui est ensuite refermée par Regard. Et ensuite, il y a une mise aux enchères de ces belles surprises. C'est tout un mystère. Oui. On se demande qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ces cannes. Enfin, ça vaut la peine. Oui. Et puis, il va y avoir également une discussion sur le droit d'auteur au lieu dans le cadre de l'exposition de John Boyle Singfield. Il va y avoir Georges Azaria, qui est spécialiste de droit d'auteur, et Michael Lachance, donc philosophe et sociologue, qui est très près du centre également. Donc, ils vont participer à cette conférence qui va se présenter sous forme d'une discussion ouverte où les idées telles que le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, la liberté d'expression et la censure vont être débattues. C'est des éléments, c'est des nœuds qui sont quand même assez intéressants à réfléchir de nos jours. Donc, ça va être de 17h à 20h. Le 26 mai, ça va être le vernissage de Liz Aston, donc Surface Space Shadow Repeat au Centre Materia dès 17h. Il va y avoir une visite commentée le 31 mai de midi à 13h. Ça va également être le vernissage de trois artistes de Québec, Karen White, Annie Lalande et Angela Eve March. L'exposition se nomme Reclaiming. Ça va être à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval à 5h également. Et c'est cette fin de semaine que va commencer le fameux parcours où tu vas quand tu dors à Marchand. C'est sur la colline parlementaire, donc de 21h à 23h, le 25, 26 et 27 mai. Et il va y avoir également deux fins de semaine, les deux fins de semaine suivantes, donc le 1er, 2, 3 juin et le 8, 9 et 10 juin. C'est sur la colline parlementaire, comme je disais cette année, il va y avoir un des cinq tableaux qui est réalisé par l'artiste en art visuel, Georgia Volpe. Donc, je te passe le flambeau avec ce nom. Georgia Volpe. Bien sûr, parce que Georgia aura une exposition Tisser l'existant à compter du 6 juin jusqu'au 3 septembre à la Maison Amel Bruno qui va vraiment falloir aller voir. Oui. Sinon, il y a Les habitants de la nuit de Isabelle Demers du 7 juin au 10 juin à Engramme. Il va y avoir un lancement de publication également en même temps que le vernissage le 8 à 17h. Sinon, Thierry Arcambossé, un peintre bien connu de Québec, exposera à l'Acerte Art Contemporain à compter du 9 juin. On a aussi le fabuleux destin des tableaux des abbés Desjardins, donc à compter du 15 juin jusqu'au 4 septembre, au Musée national des beaux-arts du Québec et en même temps, toujours à ce même lieu, Philippe Halsman, étonnez-moi, donc qui va être à partir de la même date, le 15 juin. Yvan Binet va aussi être chez l'Acerte Art Contemporain au mois de juillet, donc photographe là, de Québec aussi, qu'il ne faut pas manquer. Et il y a en même temps... Chez Vue et l'œil de poisson, ce qui est assez rare, là, il y a quelque chose qui se passe cet été, Espace en pratique, qui est un laboratoire de réflexion et de création qui va être ouvert les samedis au public et également une activité de médiation pour le jeune public, mais tout le mois de juillet, il va y avoir une exposition collective qui va comme faire les suites de ce laboratoire de création et de recherche, donc Chez Vue et l'œil de poisson. Donc vraiment, ça va valoir la peine pour rentrer un peu dans la création, dans la tête des artistes. Oui. Et c'est la dernière semaine pour voir John Boy Singfield au lieu et l'exposition Entre-temps, les choses se pensent, l'expo des finissants dont on a parlé la semaine dernière. C'est au 281 de la rue Saint-Vallier-Est. Ben, c'est déjà tout pour nous. Jean-Tienne La France, merci beaucoup pour cette saison 2016-2017. Merci à toi, Audrey. On remercie tous nos collaborateurs, bien sûr, nos chroniqueurs et chroniqueuses, Andréane Lesage, Marie-Claire Tambré, Louane Bourdeau, Julien Saint-Georges, Suzie Dufour, Émilie Porakia, Geoffrey Poirier, Anne-Charlotte Thibaudeau et Andréane Gagnon. Merci à Sarah Bélanger-Martel qui a été là pour pallier mon absence en début d'automne. Et voilà, on va dire aussi un gros merci à Jacques Gignac qui a été à la mise en onde avec nous constamment semaine après semaine. Oui, donc, notre grâce fidèle, à qui, fidèle, en onde. Donc, grâce à qui cette émission se rend jusqu'à vous. On vous souhaite un très merci bel été. Merci à Jacinthe Carrier pour sa présence aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on vous souhaite un très bel été, chers auditeurs. On vous invite à consulter notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com au cours de l'été ou notre page Facebook. Jean-Tienne, La France, un très bel été. Un bel été à toi, Audrey Caro. Parfait. Au revoir, chers auditeurs. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. En mai, voyez au cinéma Le Clap, le tout premier mois du documentaire. Du 1er au 31 mai, plus de 48 documentaires provenant de partout dans le monde. De la politique au voyage, en passant par l'alimentation, la musique, les animaux, la photographie. Planifiez-vous une sortie au cinéma différente avec cette excellente programmation. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! 11 spectacles audacieux, 5 pays, un grand parcours déambulatoire, 13 chantiers construction artistique, un bar éphémère festif et des activités satellites passionnantes, le Carrefour international de théâtre, nourrir l'imaginaire. carrefourtheatre.qc.ca. Le samedi 27 mai prochain se tient l'événement Saint-Sauveur-en-Fleurs au Parc du Rocher. Vous êtes conviés, une fois encore cette année, à ce grand rassemblement où plus d'une cinquantaine de variétés de fleurs, de plantes, de légumes et de fines herbes sont disponibles à prix accessible. La livraison à vélo est offerte gratuitement pour les gens du quartier. Tout au long de la journée, des animations auront lieu. Zones pour les petits, ateliers d'hiver, yoga matinal, prestations musicales, démonstrations de swing, de hula hoop et plus encore. Détails de la programmation sur cccqss.org. De 9h à 5h, beau temps, mauvais temps.